directement des studios du 89.fm à Trois-Rivières. Voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 2 au 8 mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais être avec vous pendant 3 heures là, pour entendre la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est un gros condensé de cette meilleure musique. Alors, on n'a pas beaucoup de nouvelles entrées cette semaine, malheureusement. On va entendre du Mars Volta avec Goliath. Il va aussi y avoir Bill & Colin avec Done is Done. Mais on commence ça tout de suite avec la seule et unique nouvelle entrée du côté francophone. Voici Plasticine et Zazie fait de la bicyclette. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Leon Collin. Et leur nouvelle pièce, Done is Done, de leur nouvel album Machine 15, nouvelle entrée en 15e position anglophone. Juste avant, c'était la seule et unique nouvelle entrée en francophone, Plasticine et Zazie Fait de la, entre parenthèses, bicyclette de leur LP1. Maintenant, on s'en va aux 14e position. Du côté franco, c'est une montée d'une place. On s'en va entendre Guérilla Poubelle avec Quand le ciel sera tombé. Ce sera suivi de la nouvelle entrée de The Mars Volta et Goliath. On parlera, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.fm. First Volta et Goliath, nouvelle entrée en 14e place anglophone. Ça met leur album The Bedlam and Goliath. Juste avant, c'était Guérir la poubelle avec Quand le ciel sera tombé. Ça monte d'une place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et leur album s'appelle Punk égale existentialisme. Trois de nos quatre pièces qu'on a entendues jusqu'à maintenant sont extrêmement dans les dents. Hein? Zazie fait un petit peu bizarre à l'intérieur de ce bloc de 4 pièces. Il me semble que c'est... les autres, ça te fesse en pleine face. 13e position du côté anglophone, ça monte de deux places. The Coops avec Always Where I Need To Be. Mais juste avant, on va entendre une pièce de Philip B qui s'appelle La Ville est là. Mais avant ça, je vais vous dire ce qui s'en vient plus tard à l'émission. Hein? Il y a tellement de bonnes choses qui s'en viennent. Premièrement, on va entendre la capsule Vidon là dans la question. Cette semaine, on parle... En fait, le sujet, c'est à l'envers. Le monde à l'envers. Hein? Disons que c'est bizarre comme sujet, mais bon, c'est une émission d'humour extrême. Vidon, adore la question, on entendra un extrait plus tard. On va aussi parler des nouvelles émissions qui sont assez fous pendant la session d'été. Hein? Il y en a plusieurs. Bon. Mais avant ça, on s'en va entendre les positions numéro 13. Et tout de suite, voici Philip B. Et La Ville est là. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Au 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières.

guess I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. The Cooks, c'est Always Where I Need To Be en 13e position anglophone, ça monte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière et juste avant, c'était Philippe B avec elle, Phil et La qui monte, elle, d'une place. C'était aussi une nouvelle entrée. En fait, il y a beaucoup de nouvelles entrées dans les prochaines positions, donc je le dirai quand le moment sera venu. On va avoir de continuer avec nos positions numéro 12, The Cat Empire et Bivouac. On va tourner la page pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est pas juste un top francophone et un top anglophone, c'est aussi un top 10 et électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens, un top 30 des albums. Du côté du top 10 électronique, une seule nouvelle entrée, c'est le numéro 1, donc commençons par le numéro 3. Descend d'une place pour Sideliner avec My Guardian Angel. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Quintal avec Translucida. Et le numéro 1, comme je le disais, c'est une nouvelle entrée, Triphonic avec Emergence. Top 10 loud maintenant, nouvelles entrées. En dixième position, Disaster avec Satan's Soldiers Syndicate. Et en neuvième, Protest the Hero avec Fortress. Top 3, plus 1 pour la troisième, Storm Warrior avec Heading North. En deuxième, plus 8, Creator avec At the Pulse of Capitulation. Et le grand numéro 1, montée de 8 places, Testament avec Formation of Damnation. Le top 3 des disques canadiens maintenant, tout est stable. En troisième, c'est Illotrons avec Appymatic. En deuxième, Black Mountain avec In the Future. Et le numéro 1, c'est Creature avec No Sleep at All. Dernier top qu'on a à faire, c'est le top 30 des albums. Nouvelle entrée en 30e place pour Teenage Head avec Teenage Head with Marky Ramone. En 21e, The Wet Secrets avec Rock Fantasy. En 8e, Bellevue avec The Road to Recovery. En 15e, Millen Collin avec Machine 15. Et finalement, le top 3 en 3e position, plus 2 pour Plants and Animals avec Park Avenue. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Creature, No Sleep at All. Et en 1ère place, Montée d'une, c'est Black Mountain avec In the Future. On est rendu aux 12e position du compte anglophone avant d'entendre The Cat Empire. On va entendre le côté francophone, Bivouac, qui est dernier round. Oh, palmarès, c'est fou! Oh, 89.1 FM. Dernier round, je cherche le grand. Encore un soir à régler ses comptes. Game faut croire, le contexte.

formation canadienne Aerotrans avec Emergency Street, l'ancien numéro 3, qui est maintenant en 11e place. C'est vraiment triste pour Aerotrans. Juste avant, c'était Dactylo Fidelity avec In-Situ qui monte d'une place. Et maintenant, parce que je m'emmerde quand je suis seul au palmarès, c'est fou, je vais amener Amélia Larrain avec moi. S'il te plaît, parle dans ton micro. Bonjour! Hello! J'étais supposée faire juste des mimes. Je suis un peu déçue que tu me sortes de ma torpeur de mimes. Ben, des mimes, c'est bien le fun, mais en ondes, c'est un peu plus plate, par exemple. Tu sais, ça peut être un style de radio, mais... Ah, là, elle pleure, je pense, OK? Fais-en d'autres, fais-en d'autres. J'aime ça. Attends. Elle fait des grimaces avec sa main comme une trompette. Oh, là, elle fait semblant de plonger dans l'eau, on dirait Madonna. Madonna? Madonna, elle fait pas des moves genre... comme ça avec le nez. Puis... Non, c'était plus des années 60, mais non, c'est pareil. Non, c'est Vogue, là, puis c'est ça. Pause, puis en tout cas. Ça faisait plein de pauses, ah. Madonna. Ben oui. Ben oui. Non, mais faut faire un lien avec l'actualité. Madonna, c'est dans l'actualité en ce moment. C'est ben bon, oui. Mon Dieu, puis tout, là, c'est bon. Hein? C'est ça, bon, mon Dieu. C'est sûrement dans les CD les plus vendus, on en parlera tantôt. Bon, vous êtes au palmarès, c'est fou, condenser de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Certainement pas du meilleur contenu que c'est fou à vous offrir, parce que là, si vous cherchez du contenu ici, bonne chance. C'est parce qu'on l'a perdu. Hop, où ce qui est? Ben, je sais pas. C'est comme un bonbon dur quand tu l'échappes dans ton char, ça colle sur le tapis, c'est pas le fun. Ah, pas c'est le fun. Ça, c'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit. C'est vrai, ça. On est rendu au position numéro 10 du côté anglophone, c'est The Hives avec Won't Be Long qui descend à la 4e place. Mais avant ça, on va entendre Macken Kozapo avec Miss Parano dans son album Le Zèbre. Tantôt, qu'est-ce que ça nous tente de faire, Amélia? Est-ce qu'on va... aller jouer dehors. On va aller jouer dehors, puis on va vous laisser écouter de la musique. On va mettre ça sur shuffle pendant les 2h30 qui restent. Ben, 2h10. En fait, je pense que je me suis trompée de réponse. C'était pas ça? C'était quoi ta réponse que tu voulais dire? Mange de la crème glacée! Mange de la crème glacée! Yay! Miss Parano de Mac et Cosa Po. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, ça fait le micro. Ah, qui a mis sa bouche là-dessus? Yeah. good times won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. La formation de Hives avec Won't Be Long qui descend de la quatrième pour se loger en dixième place du côté anglophone au palmarès. C'est fou, juste avant du côté francophone, c'était Mac & Cosapo avec Miss Parano qui monte d'une place. Vous êtes au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est ce qu'on dit, c'est le slogan. Et voilà. Hein? C'est ce qu'on entend aussi. Ben, parce qu'on le dit tout le temps. Parce qu'on le dit, on l'entend. Voilà. Si on le dit pas, est-ce que vous l'entendez pareil? En fait, non. Non, là, vraiment pas, non. On pourrait essayer de faire une émission en mime. Il s'est pas passé grand-chose depuis les dernières secondes. Non, je pense pas. C'était des mimes silencieux. Ouais, c'est plus nous en train de bouger les yeux. On a même pas fait semblant de faire des mimes. On était même fatigués, nous autres, que tu sais, on dit qu'on va faire des mimes, on les fait même pas. On se dit de toute façon, c'était à la radio. On va rien faire, ça fait pareil. Mais les gens le sauront pas. Fake de mime. On est tellement fake, on dirait Mathieu et Pascal à Énergie. Non, c'est pas vrai. Oh, hey, c'était une insulte pour Énergie, ça. Switch! On n'est pas fin pantoute. On se vire de bord pour aller voir ce qui se passe du côté des CD les plus vendus au Canadien. Selon Nielsen SoundScan pour la semaine qui se termine le 1er mai 2008. On va descendre un petit peu pour voir le numéro 34, une nouvelle entrée. Oh! Hey, mon doux! Oui! Je m'attendais vraiment pas à ça. Attends, c'est quoi? Flight of the Conchords, qui est juste là devant toi! Oh! Parce que c'est fou, on entend la musique avant tout le monde! Musique de demain aujourd'hui! Non, mais sérieusement, Flight of the Conchords, c'est un groupe de comédie néo-zélandais qui fait de la musique parodie un petit peu. J'adore ça, je capote là-dessus depuis au moins un an. Il y a quelques personnes autour de moi qui traitent là-dessus. Je m'attendais pas à le retrouver dans le top des CD les plus vendus, pour vrai. Vraiment pas, parce que c'est très, très underground quand même. Moi, je les aurais choisis juste parce que leur pochette est en 3D. Il y a un pop-up de la pochette, puis ils te foncent dessus. Ils te sautent d'en face, les deux gars. C'est Brett génial. Et Jermaine. C'est génial, pour vrai. Je vais en faire jouer tantôt. Croyez-moi, on va avoir le temps de se gâter avec un petit peu de Flight of the Conchords. Donc, nouvelle entrée en 34e place des CD au Canada. Là, je suis vraiment très, très surpris. En 29e, Story of the Year avec Black Swan. De l'autre côté du Black, il y a le White. C'est White Snake avec... pas White Steak en passant, c'était juste moi qui avais le nez bouché. C'est White Snake. Parce qu'un steak blanc, c'est pas très bon. Un steak blanc, c'est pas très bon. White Snake, Good to be Bad en 23e place. Ensuite, on monte en 10e pour retrouver un album qu'on a fait jouer cette semaine au poste d'écoute. Tokyo Police Club avec Elephant Shell en 8e place. Quelque chose qu'on fera jamais jouer, assez fou. Ashley Simpson et Color Outside the Lines. Ouh! En 5e, vous retrouverez certainement pas ça sur nos ondes. Francis Cabrel avec des roses et des orties. Hey, c'est très bon en passant. Oui, mais pas assez fou, par exemple. Pas vraiment. Top 3, descendre d'une place pour Leona Lewis en 3e avec Spirit. En 2e, c'est le nouvel album de Ariane Moffat en nouvelle entrée avec Dans tous les sens. Et le numéro 1 est aussi une nouvelle entrée. C'est l'excellent, excellent Éric Lapointe. Avec Ma peau. Hein? Hey! Ma peau! Ça, c'est plus du Bob Dylan que du Éric Lapointe que j'ai mis là, mais bon. Arrive. En tout cas. T'as pas vraiment de talent pour les imitations. Pas vraiment, j'ai du talent pour les mimes, par exemple, regardez ça. On a fait un bruit dans les mimes. Il n'y a pas de bruit. Ça marche pas. Fais des mimes sans bruit. Vas-y. OK. C'est quoi que tu mimes, là, Mathieu? Je mets un gars qui s'emmerde. Voici en attendant de Shotgun. Au palmarès, c'est fou! Dans vos oreilles! Oui! We'll be right back. Retour d'Hutch 16 et le nom dans les palmarès, c'est fou. Oh! Oh! Miaou. B. Me. Un autre. Quack, quack, quack, quack. Ok, quack. Ouais. Ouais. Un serpent, ça? Oui. Ok. Je voudrais savoir, par exemple, avec le temps, que quand tu amènes quelque chose dans le studio et que tu m'en parles, il faut que tu en parles en ondes, Amélia. Ah oui, alors c'est la chronique livre. Ah, youpi! En fait, le livre que j'ai entre les mains, c'est un livre de Dr. François Baumann et Josette Lyon. Josette? Oui, c'est Josette, en fait. Oui, ça s'appelle « Comment vivre avec un parent âgé ». L'aider à rester autonome en le restant soi-même. Ça, c'est un long titre, en tout cas. C'est un petit bijou, ce livre-là. Ça se lit, là, d'une couverture à l'autre. Parce dans que le temps de dire. C'est, en fait, plein de trucs sur comment faire avec tes parents qui sont plus vieux puis qui ont de la misère à trouver leurs clés. Non, mais... Hein? Un livre de poche à garder près de soi. Dans ta poche. Dans ta poche, puis c'est ça. Puis à jamais l'oublier nulle part, parce que on sait pas quand on peut en avoir besoin. Ouais. Ouais. Hey. Prochaine chronique livre, la semaine prochaine, peut-être. On vous parlera de comment descendre les escaliers sans tomber. J'ai hâte. Et voilà. Voilà. Bon moment de radio. Je pense que tout le monde l'a apprécié, en fait. On fonde ça au lit, au mime à la place. Les mimes. Moi, je pense que j'aimais vraiment plus les mimes. On fait d'autres mimes. Attention, en voilà un. Je pense que t'as regardé un char qui passe. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais t'as fait le bruit. Ouais, je sais, mais c'était pour illustrer... C'était tellement pas bon dans un jeu de mime, là. Ouais, mais là, tu sais, c'est parce que c'est pas... J'ai pas, tu sais, de genre... T'aurais tellement pas de talent. Non. Non. Non. C'est moi. Ouais. Ben, c'est pas grave quand même, hein, parce que t'as plein d'autres belles qualités. Ok, nomme-moi en une juste pour voir. Tu abordes fièrement le t-shirt de C'est fou, qui est pareil à la pancarte derrière laquelle t'es, devant laquelle t'es assis. Je suis comme un caméléon, ce en fait. Ce qui fait qu'en fait, t'as vraiment un goût prononcé pour l'esthétique, ce qui me porte à croire que t'es vraiment une personne de bon goût. Merci, merci. J'aime ton carotté. Merci. C'est beau. En fait, il y en a qui pensent que c'est une nappe. Ça ressemble à une nappe. Ou encore le chandail de Yasser Arafat. De Yasser Arafat. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les commentaires que j'ai eu. Mais moi, je le trouve très beau et top tendance. Et à la radio, c'est le fun de parler de ça. Oui, c'est ça, je le dis. Moi, je vais me revirer subtilement de cette conversation pour faire le top des CD, les artistes, en fait, les plus écoutés dans les radios universitaires du Canada au complet. Puis tu crois que c'est plus fun que ce que je disais? De façon exponentielle. Ah, en 10e position, la formation Man Man, qu'on va entendre un petit peu plus tard dans nos palmarès ici. Ensuite, il y a en 9e, Destroyer. En 8e, Hello Trance, qu'on a entendu tantôt. Clinique est en 7e. Nick Cave and the Bad Seeds en 6e. Woodhands en 5e. The Black Keys en 4e. Plants and Animals est en 3e. Et nous, on va les entendre aussi en 3e plus tard. Je vous annonce un scoop comme ça. En 2e, la formation Crystal Castles, qui en fait est aussi dans notre top des albums, si je me rappelle bien. Et le grand numéro 1, c'est la formation de Constantines avec leur CD Kensington Heights. C'est le palmarès Earshot Online pour la semaine, qui se termine le mardi 22 avril, parce qu'ils sont du genre à finir leur semaine le 22 avril. Qu'est-ce que tu fais avec ton soulier? C'est bizarre. En fait, j'avais pas assez d'intention. Donc, tu me faisais aller un soulier d'en face? Non, en fait, je faisais juste m'amuser avec mon soulier pendant que tu me donnais pas d'attention. Tu aurais pu au moins le mettre dans ta main et faire une marionnette avec. Faire quoi? Une marionnette. Avec mon soulier. Avec ton soulier. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la radio dans vos oreilles. Voici le nom et princesse aux palmes. Au 89.1 FM. La radio qu'en plus de Trois-Rivières. Dans vos oreilles. Je peux pas croire que cette émission-là va être diffusée deux fois. Je peux pas croire qu'elle est diffusée juste une fois. En partant. Profite-en pendant que ça dure. C'est ça qui arrive. C'est comme mon heure de gloire. Yeah. La formation Madman avec The Ballad of Butter Beans. Vidons la don la question. Voici un moment de la prochaine émission de Vidons la don la question. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? Aujourd'hui, à Vidons la don la question, on vire le monde à l'envers. J'étais peinard, pas le goût de notre vie, c'est la rock, comme plus mes mecs, je passerai mal, tout fait rouge, délivrer son bras, C'est le monde qui est à l'envers, ça l'est. Mais avez-vous lu ça dans le journal à matin? Eh bien, mesdames et messieurs, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est le monde à l'envers! Monde à l'envers, monde à l'envers. Page couverture. Élection en Égypte. Les hommes ont voté pareil comme leurs femmes. C'est pas le monde à l'envers, ça? Page 2. En Palestine, c'est écrit ici, les Palestiniens, pour protester contre Israël, ont décidé aujourd'hui non pas de lancer des roches, mais bien de se mettre à les ramasser. Et page 3, je lis ici une publicité pour les studios Photo Magenta, et je cite, « Venez immortaliser sur pellicule votre pire air de bœuf ainsi que celui de votre famille. Où c'est qu'on s'en va? » Et ça continue. Page 4. Gaétan Giroire déclare, « Je n'étais pas mort, j'étais caché tout ce temps-là. » Ça va bien, hein? Page 5. Une étude sur le sommeil nous révèle ceci. La tendance s'est renversée, c'est maintenant les parents des nouveaux-nés qui font pas leur nuit puis qui réveillent leur bébé en chiolant. Manquerait plus rien que les Japonais se mettent à se faire des dreads, que Jacques Languirand dénonce le pot, que la compagnie Créole se mette à tuer du monde, qu'Huntingdon exporte leur linge en Chine, puis rendu là, je serais même pas surpris de voir Claude Rajotte en front page du séjour avec Lise Dion écrit « Mangez donc tout de la marde, on s'aime! » C'est le monde à l'envers aujourd'hui et on va tout de suite faire un premier appel. Attendez une minute. Ça sonne. Hello! Oui, Madame Tremblay? Oui? Tout d'abord, félicitations d'écouter mon beau programme. Ben, je vous remercie. Je vous appelle pour vous dire que ça n'a pas de bon sens. Ben là, faudrait faire la part des choses, là, quand même. Non, mais attendez. Quand c'est rendu que les gangs de rue de Montréal-Nord font des films de cul avec des robineux tout habillés en bleu, c'est-tu le monde à l'envers ou si ça ne l'est pas, ça, madame? Ah, oh, c'est sûr qu'à Montréal-Nord, on s'attendrait qu'ils soient habillés en rouge, mais bon. Je vous remercie pour votre appel, monsieur. Écoutez, je devrais bien avoir un t-shirt à vous envoyer, quelque chose, là. Attendez. Le monde est à l'envers. Vidons la don la question. C'est un des moments de la prochaine émission de Vidons la don la question, l'émission de d'humour extrême animée par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, diffusée sur les ondes de C'est fou. Entre autres, les mercredis à midi, les vendredis à 9h. L'horaire complet est sur le www.cifou.ca. Dans cette émission des Panoramas Cifou, on va voir quelques autres extraits de choix. J'ai choisi des petits morceaux de vidéo à la question qu'on va entendre d'ici la fin de l'émission. Mais avant, dans nos palmarès, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Horror Pops avec Misfit. Mais tout de suite, voici les gigolos et la guerre des mondes. C'est les palmarès, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1 FM. C'est fou, ça! We'll be right back. Her Pops avec Misfit, position numéro 7 du côté anglophone, montée d'une place. Juste avant, c'était du côté francophone et gigolo avec La Guerre des Mondes qui descend de 3 places. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fond derrière moi? Parce que j'ai encore envie de me divertir. Voici un autre grand moment de... Vitons-la dans la question. La bicyclette sans les mains. Est-ce que vous saviez qu'en France, c'est très cool de faire du vélo sans tenir le guidon? Si tu fais du vélo sans les mains, claque des doigts. Si tu fais du vélo sans les mains, claque des doigts. Si tu fais du vélo sans les mains, parce que tenir le guidon, c'est ringard. Si tu fais du vélo sans les mains, claque des doigts. Eh bien, faites comme les Français et faites du vélo sans tenir le guidon, vous aussi. Ouais, tu sais, je peux faire plein de choses avec mes mains quand je tiens pas le guidon. Par exemple, je peux fouiller dans mes poches, me gratter la nuque, danser le tectonique, ouais, me sécher les cheveux, jouer de la crécelle, brûler un chaton, tiens, ouais. Ou encore faire des pètes d'aisselle, et justement, on va en faire dans la chanson. Alors, tout le monde ensemble, si tu fais du vélo sans les mains, t'as pète d'aisselle. Si tu fais du vélo sans les mains, t'as pète d'aisselle. Si tu fais du vélo sans les mains, parce que tenir le guidon, c'est ringard. Si tu fais du vélo sans les mains, t'as pète d'aisselle. Oh, voyons. Ça fait mal. Ça n'a pas de bon sens. Voyons les Français qui essayent de nous convaincre de faire du vélo sans tenir les mains sur le guidon. Vous écoutez toujours Vidon Ladon la question avec Luc Archambault et moi-même, Mathieu Saint-Onge. Et on est en direct d'être pogné dans le trafic. Et on anime notre émission en direct du char, finalement. T'as pas le choix, toi, t'sais. Il y a des nids de poules partout, les gens les réparent pas. Ça fait au moins 15 minutes là, qu'on est là, et on a un gros nid de poules devant nous autres, on peut pas passer. Et il y a 3 gars là, de la voirie qui sont là, là à côté sur l'appel, en train de s'ostiner. Ouais, ouais. Moi, je suggère qu'on ouvre la fenêtre et qu'on écoute ce qu'ils disent. Ah, bonne idée. Écoutons. Ouais. Quand tu dis que tu qualifies de sublime les installations de Patrick Bernatchez, le mec, ton discours, je te le dis, il relève de la philosophie de Burke et non de Kant. Non. Le sublime qui émane des installations de Patrick Bernatchez est kantien. Parce qu'il est à la fois de l'ordre du sublime mathématique et de l'ordre du sublime dynamique. Donc, il contribue à créer une entité là, devant laquelle on peut... Si on considère là, ces propos-là en faisant appel à la phénoménologie de Heidegger, on note qu'il y a une différence. Hey les gars! Quoi? Quand vous dites différence, là, voulez-vous dire la différence avec un A comme l'entend Derrida? Non, pas la différence qui rend possible la présentation de l'état présent, non. On parlait rien que là, du sublime chez Kant. Oh, ok, ouais, le sublime qui dépasse l'entendement de l'homme, oh, ok. Peut-être qu'on devrait boucher le trou avant qu'il arrive un malheur. Moi, je recommence pas à travailler tant que cette histoire-là de sublime est pas réglée. Ouais, t'as raison, faut qu'on règle ça. Puis tant qu'à moi, là, Patrick Bernatchez fait rien que récupérer l'iconographie de Matthew Barney. Ouais, bonjour tout le monde, je vous emmerde, je fais du vélo sans les mains. Oh putain! Les bicyclettes de Belsize. Riding on my bicycle. À bicyclette. À bicyclette. Bicyclette. Of a bicycle. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. À bicyclette. There are 9 million bicycles in Beijing. À cheval sur ton PC, ton PC. I'm a bicycle built for two. Bon musée. Bicycle. Les bicyclettes. Moi, en tout cas, ça m'a diverti. C'était un des meilleurs moments de la dernière émission de Vidon à la question. Il nous reste qu'une seule représentation, en fait, de cet épisode-là en particulier. Si vous écoutez le vendredi soir, c'est demain samedi à partir de midi sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Le prochain épisode, c'est bien sûr, vous l'avez entendu tantôt, celui qui est à l'envers. Et ça commence à partir de lundi, le 5 mai. Je ne me trompe pas dans mes dates. Vidon à la question, l'émission d'humour extrême animée par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. C'est sur nos ondes. Allez voir le cif.ca pour toutes les heures de diffusion. On est rendu aux positions numéro 6 de nos palmarès du côté anglophone. C'est Los Campesinos avec Death to Los Campesinos. Ça monte de 3 places, mais juste avant, voici Zorung et l'ancien numéro 1. Ah, c'est 1981! Et les femmes étaient Formation Los Campesinos avec Death to Los Campesinos. Ça monte de 3 places. C'est maintenant le numéro 6 anglophone. Juste avant, c'était le numéro 6 francophone. Zone remixée par Asirka avec la pièce 1981. C'était l'ancien numéro 1. Ça fait 9 semaines que c'est dans les palmarès de C'est fou. Et puis, c'est dommage, ça descend comme ça de 5 places. C'est triste des choses comme ça. Ce qui est un petit peu moins triste, c'est la programmation d'été de C'est fou! Yeah! Quel beau lien! Donc, quelques nouvelles émissions font leur début, si on veut, dans la semaine à venir sur les ondes de C'est fou pour la session d'été. On parle entre autres, ben en fait, c'est surtout des émissions de rap qui commencent. On a l'émission Retour aux sources qui va entrer à partir de 22h juste après sur le beat les mercredis soirs. Il y a aussi le samedi, l'émission Recyclée. Ça commence demain si vous écoutez vendredi et ça se passe le 3 mai à partir de 18h juste avant New Buzz, l'émission de musique électronique. Et puis finalement, le dimanche soir à partir de 18h aussi, c'est l'émission Focus avec Laïs, un vétéran de C'est fou. C'est juste avant Univers Parallèle, l'émission d'électronique atmosphérique. Une autre nouvelle émission, en fait, c'est un retour. L'émission est de retour à chaque été. C'est la brique et le fanal, l'émission de power metal et de metal progressif. Ça se passe les mardis soirs à 19h entre rock classique et réanimation. Sinon, ben ailleurs dans l'horaire, évidemment, ben, y a les meilleures émissions de C'est fou, là. Il y en a plein de très, très bonnes. Quelques émissions qui sont de retour à l'horaire cet été. Il y a À l'ombre du Baobab, l'émission d'actualité africaine le lundi matin à 11h. Sinon, le matin aussi, il y a le poste d'écoute que j'anime le vendredi hein, à 10h. Très, très fun comme émission. On prend les CD qu'on reçoit chaque semaine. On les écoute pour la première fois en même temps que vous. Ça s'appelle le poste d'écoute. C'est vendredi à 10h. La Spirale est toujours là le jeudi soir à 18h. L'émission d'Indie Rock. C'est très bon. Il y a Séquence électro les jeudis soirs. La musique électronique à partir de 19h. Il y a Sur le beat, comme toujours les mercredis. Là, je suis dans un désordre total, mais ne vous en faites pas. Dans le sous-sol, et c'est au poil le lundi soir à 21h. Réanimation le mardi à 21h. Sky Punka est le jeudi à 21h. Les vendredis, il y a plein de choses à entendre sur nos ondes. Après les palmarès, il y a La Dernière Porte à Gauche avec Kiwan. Il y a Les Lutins de l'Enfer, l'émission de métal et puis Electrochoc. Le samedi, j'ai parlé de New Buzz. Il y a aussi Le Vestibule, un vétéran, ça aussi de C'est fou. Et puis Les Insomniacs qui clôturent. Qui clôture la soirée? L'émission de Gothic, New Wave et Industriel. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les émissions de soirée. Il reste le dimanche en journée. Il y a Adagio pour un jazz, Jazz sans frontières et Fièvre latine. Donc, c'est une grosse programmation pour la session d'été. Allez voir le cfou.ca si vous trouvez que ce que j'ai dit n'avait pas vraiment d'ordre. Vous avez complètement raison. Ce qui vous touche un petit peu de plus près, là, vous qui écoutez les palmarès, qui êtes un fanatique de la meilleure musique que cfou a à vous offrir, on est toujours en direct pour la session d'été les vendredis soirs à 17h. On est maintenant en rediffusion les mercredis après-midi à partir de 16h et les jeudis à partir de 15h. Donc, les heures sont différentes. L'émission, elle, reste la même. Hein? C'est un beau slogan. Donc, c'est fou.ca pour l'adresse pour aller voir la grille de programmation d'été de C'est fou, votre radio campus à Trois-Rivières. Ce qu'il nous reste à faire d'ici la fin de l'émission, je pense qu'on devrait avoir le temps pour un autre petit bloc de vidéo à d'autres questions. On va aussi balayer le plancher, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Ça, c'est toujours très, très intéressant. Mais avant, allons entendre nos positions numéro 5 du côté anglophone, c'est Bad Blood de Supergrass. Et on débute avec Carquois. Voici Échappé au sort dans les palmarès C'est fou au 89.5. Quand l'hiver de

Deuxième heure des palmarès, c'est fou! Un petit résumé de ce qui s'est passé dans cette deuxième heure. On vient d'entendre Steve Hill avec Long Run en quatrième. En cinquième, c'est Supergrass avec Bad Blood. En sixième, Los Campesinos avec Death to Los Campesinos. En septième, c'est Horror Pops avec Misfit. Et en huitième, c'est Madman avec The Ballad of Butter Beans. Du côté francophone, on a entendu Bonjour Brumaire avec La Fin à Petit Feu en quatrième. Carquois est en cinquième. Zurung en sixième. Les Gigolos en septième. Et Le Nom en huitième. Restez là parce que dans la troisième et dernière heure, on va entendre du Pochic Chic, du Léphantine, du Chocolat, Plants and Animals, Black Mountain et Creature dans les palmarès. C'est fou! Restez avec nous au 89. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 2 au 8 mai 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, mais assez parlé de moi. Vous, comment ça va? Hein? Ça va bien? Tant mieux! Tant mieux! Quelle belle journée aujourd'hui dans les palmarès. C'est fou. On n'a que de la bonne musique, un condensé, la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est la fin de l'émission. On devrait passer encore quelques moments avec les gars de Vidon là-dedans la question. Et on va aussi balayer le plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Mais tout de suite, voici du côté anglophone Plants and Animals avec Bye Bye Bye, précédé de Pochic Chic et Aidy Morcelé. Une extrêmement bonne pièce dans les palmes au 89.5. gonna happen to you? You have woke up too soon and found the world you're in, and now your feelings have changed. Say goodbye to before. Cinquième à la troisième, Plants and Animals, leur nouvel album s'appelle Park Avenue. Juste avant, du côté francophone, c'était Hey, démorcelé de Pas Chic Chic. Ça avait leur album au contraire, une pièce que j'aime beaucoup. Donc, ce sont nos deux positions de la semaine. Et si j'avais plus d'entrées ce soir, je pourrais dire, attention, nos positions de la semaine! Hein? Tu sais, dans vos oreilles, ça sonne fort, quand même. Baissez le volume un peu. On est rendu à nos positions numéro 2, mais avant ça, je dois vous dire que plus tard, dans quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, on pourrait dire, on va balayer le plancher. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ça veut dire qu'on va parler de gens stupides qui font des choses stupides, et ça, c'est toujours le fun! On va aussi avoir un des meilleurs moments de Vidon Ladon la question, que j'aime beaucoup aussi. VidonLadon.com, on l'a pas dit tantôt, VidonLadon.com, allez-y tout de suite. Ils sont nominés au gala des Oliviers, donc c'est pas rien. On est très heureux de les diffuser ici à C'est Fou. Numéro 2 du côté anglophone, ben on retrouve la formation Creature, une formation québécoise, avec leur pièce Bridget Bardot, c'est l'ancien numéro 1. Donc, pour les gens qui sont rapides à la maison, ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1. Hein? Et du côté francophone, ben le numéro 2, c'est Chocolat. Les voici avec Piano Élégant dans vos palmarès, c'est fou, l'émission déjantée. Déjantée. J'aimerais bien avoir la définition de déjantée. Je vais aller chercher un peu déjantée. Thank you. shape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take me to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, right side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. Everybody go, get into a spaceship made of gold. Cause we're heading to a party where the people all know that it's time to live it up and let the good times roll. Jump on me, dance with me, tout le monde ensemble, allons-y. Let's be free, oui, oui, chérie. Won't you come and play with me? Avec Bridget Bardot, l'ancien numéro 1 anglophone qui est maintenant numéro 2 juste avant, c'était Chocolat avec Piano Élégant qui monte d'une place de la troisième donc à la deuxième pour Piano Élégant. Deux très très bonnes pièces que je trippe donc sur les palmarès de ces temps-ci, moi. Hein? J'ai ça depuis toujours, là, mais quand même, moi, t'adonne qu'on a de la bonne musique. Faut l'écouter, cette musique-là, tu sais. Hein? Faut l'écouter. C'est juste ça. C'est à la radio. Quand t'aimes ça, tu dis, waouh, me semble que c'est vraiment bon. J'en veux plus. Ben, ça tombe mal parce qu'il reste juste une quarantaine de minutes à l'émission. Mais heureusement pour vous, on est en rediffusion tellement de fois dans la semaine. Cif.ca pour les heures, si vous voulez vous taper le palmarès une fois de temps en temps. Là, quoi d'autre que ça, tu sais. C'est parfait. Ça avait beaucoup de sens. Numéro 1, c'est là qu'on est rendu au numéro 1. Ce que ça veut dire, là, il nous reste 40 minutes, vous l'avez vu, nos deux pièces durent environ 9 minutes en tout. Donc, on va avoir une grosse demi-heure d'Écoutons la Dans la chanson. Et dans Écoutons la Dans la chanson cette semaine, on va entendre du Beck, du Metric, du Moussette et du Flight of the Conchords. Oh oui, qu'on va donc entendre du Flight of the Conchords. Je vais vous faire découvrir ça tantôt, ça va être malade. Ben, tout de suite, au numéro 1, en gros, là, mettons qu'on invente des jeux de mots comme à chaque semaine. Quand je suis seul, c'est un petit peu plus plate, mais quand même. Jeux de mots. Hein? J'ai faim en ce moment. Je pense que je mangerais une poutine aux éléphants. Une poutine aux éléphants. Mettez les morceaux ensemble. Mais en attendant ce moment de poutine aux éléphants, je vais écouter de la musique avec vous. Hein? Une poutine aux éléphants, des fois, le dessus de la montagne poutinesque est noir un peu. Montagne noire, OK? Et en tout cas, c'est une tempête d'idées. Une vraie tempête, on dirait que je suis high. Ah là, sérieusement, mes jeux de mots sont vraiment nuls. Vraiment, j'ai honte d'avoir fait ça. Poutine aux éléphants, pas vrai. Au moins, on s'amuse ensemble. Mais arrêtez de me toucher, par exemple. Un peu de chance. Rappelez plus tard. C'est déjà la fin de cette partie des palmarès. C'est fou. Donc, on va se faire un petit résumé du top 5 de chaque côté. On vient d'entendre en cinquième. On commence par la cinquième, oui. Remontée de deux places pour Supergrass avec Bad Blood. En quatrième, c'est Long Road de Steve Hill. En troisième, Bye Bye Bye de Plants and Animals. En deuxième, l'ancien numéro 1, Creature avec Bridget Bardot. Et le numéro 1 monte d'une place. On vient d'entendre Stormy High de Black Mountain. En cinquième, francophone, c'est Carquois avec Échappé au sort. En quatrième, ça monte d'une place. La fin à Petit Feu de Bonjour Brumaire. En troisième, Plus 3 pour Aider Morcelé de Pas Chic Chic. En deuxième, ça monte d'une place. Piano élégant de Chocolat. Et le grand numéro 1 monte d'une place aussi. C'est En attente de moment présent. On vient d'entendre la formation Éléphantine. Voilà, donc ça fait le tour pour les palmarès. C'est fou pour cette semaine. Dans quelques minutes à peine, ça va être Écoutons-la dans la chanson, la deuxième partie de l'émission où on éteint les lumières. Et je vous permets d'entrer dans l'univers. Hein? L'univers, mon salon, c'est comme mon salon, tu sais. C'est comme, dans le fond, mon intimité, qu'on pourrait dire. C'est Écoutons-la dans la chanson dans deux minutes à peine. Dans cette demi-heure, on va, entre autres, balayer le plancher. Écoutez, on va écouter aussi les moments de vidéo à la question. Ça me tente toujours de faire ça. J'aime bien gros ça. J'en ai préparé un sur C'est quoi? Et puis sur c'est une parodie de Danny Placard, l'autre. Donc, ça va être très, très drôle. Restez avec nous. Les palmarès, c'est vous présente. Écoutons-la dans la chanson dans quelques minutes. Restez là! Minutes après les palmarès, c'est fou. Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour, bienvenue à la deuxième partie des palmarès. C'est fou, on appelle ça. Écoutons, on adore la chanson. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Oui, c'est encore moi. Je sais, vous êtes tanné de m'entendre. Que voulez-vous? Vous avez juste 24 heures par semaine à m'entendre. J'ai calculé avec la collection, le poste d'écoute, les palmarès, c'est fou, fois 3 chacun pour deux rediffusions et une diffusion originale. Ça fait 24 heures, donc une journée complète m'est réservée. Dans le fond, c'est tellement beau à voir. Bienvenue à Écoutons-la dans la chanson. Ce soir, vous savez peut-être pas c'est quoi ça, Écoutons-la dans la chanson, mais ce que c'est en fond, c'est un moment d'intimité en ma compagnie. Hein? D'habitude, c'est en compagnie de l'équipe des palmarès, c'est fou, mais ce soir, l'équipe, c'est moi. Et puis, je vais vous présenter de la bonne musique d'ici la fin de l'émission. Dans une petite demi-heure, on va entendre du Deers, du Beck, du Moussette et du Flight of the Conchords, un groupe que j'adore vraiment, un groupe de Nouvelle-Zélande, un groupe humoristique. Mais on commence avec un classique des palmarès, une pièce de Metric. Voici la pièce titre de leur album, Grow Up and Blow Away. Écoutons-la donc, la chanson. Grow Up and Blow Away. Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Her heart, he wants to start a family, needing easy way? What was the easy way? First double cross her heart. He wants to start a family. She always thought she would not. If she weren't writing in blood, she'd bring him a joke, a new liver and a shovel for the mud. Deep in mud, he'd bring her his jokes, he'd get her a tie. De la formation Metric. Merci à la personne qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle n'était pas tannée de m'entendre, cette personne. Donc, merci beaucoup. J'ai fait les calculs et 24 heures par semaine, ça donne 1 septième de la programmation et 14 %. Bonne chance. C'est moi, ça. Aussi souvent que ça. Voici Beck et Ghost Range, un remix de sa pièce E-Pro. Écoutons-la donc. La chanson. Your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talk to trash to the garbage around you. Drunk to the poison you use. Charm the voice in the eyes of a gambler. Now I see it's a comfort to you. Hammer my bones and the hammer of delight. Left. La pièce Ifro de Beck, reprise par Home Life. Ça s'appelle Ghost Range. Et c'est, ma foi, vraiment, mais vraiment très bon. Moi, je capote pour vrai, c'est très très bon. Ça fait l'album Get a Little, un album de remix de Beck. Et puis avec moi en studio maintenant pour la fin de cette émission de Écoutons la chanson, c'est Kiwan. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Je suis pas là longtemps, je suis arrivé tard, mais quand même, je vais t'accompagner jusqu'à 8h. Tu sais que j'apprécie ta présence. Ah ben, je suis content de l'entendre. Je te laisse jamais assez parler quand tu passes à l'émission. Je suis là, puis je parle, puis tu sais. Mais non, mais on aime ça t'entendre, Mathieu. 24 heures par semaine. Pas sûr de ça, moi. Je voulais juste d'ailleurs te féliciter pour ton savant calcul qui consiste à nous dire que finalement c'est un septième d'une semaine, c'est une beau, journée. Hein? C'est 14% aussi. Ah ben 14% quand même, il fallait le savoir. Ça, il a fallu utiliser la calculatrice de Windows pour le savoir. Ouais, c'est 1 divisé par 7 fois 100. Ouais. Je sais pas. C'est ça. Toi, dans le fond, ça fait 4 heures, 3 heures. Je pense que c'est 4 heures. Ouais, 4 heures l'été. Ouais, c'est ça. Une fois, puis ensuite 3 fois de rediffusion. Ouais, c'est ça. Ben là, j'avais l'intention de lancer un projet d'émission qui durerait 24 heures. Arrête-moi ça. Comme ça, avec 2 rediffusions, là, je te battrais, c'est ça. Ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui me batte une fois de temps en temps. OK, donc, je sais pas pourquoi je prends ma feuille. C'est la feuille des palmarès, ça n'a pas rapport. On est rendu à ce point de l'émission où on fait un autre bloc musical, quoi de neuf, tu sais. C'est bon, hein? On va l'entendre The Deers. The Deers. Très, très bon. L'album s'appelle Gang of Losers. On va l'entendre Ticket to Immortality. Ensuite, on va revenir. Je vais faire la chronique Le Plancher. Donc, ça va être moi qui va parler. Et puis, on va terminer l'émission avec du Moussette. Et j'espère bien avoir le temps. Il faut que j'aie le temps pour du Flight of the Conchords. Pas le choix. Donc, on se dépêche. On parle plus vite que d'habitude. Ça se fait pas parce que je parle tout le temps vite. Plutôt, ben, tu parles pas. Tu sais? Dans le fond, tu vas passer 1/100 de l'émission à pas parler. Ouais, au moins. On va calculer. Ouais, avec la presse Windows. Le monde t'aime. Ah oui? The world loves you, c'est ce qu'ils disent. The dears. Ah, OK. Je pensais que c'était une information privilégiée, mais non. Aussi, tu sais. Bon. C'est l'heure du plancher, apparemment. Donc, on va faire un tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides sans perdre plus de temps avec la présentation des pièces, par exemple. Uh-huh. On commence avec un Japonais qui est réprimandé pour avoir visité des sites porno 780 000 fois. Un fonctionnaire japonais a été rétrogradé pour avoir visité des sites web pornographiques plus de 780 000 fois en 9 mois pendant qu'il était au travail. Un porte-parole du gouvernement de la ville de Kinokawa dans l'ouest du Japon a expliqué que l'employé en question a visité ces sites entre les mois de juin 2007 et février 2008. L'individu dont l'identité n'a pas été dévoilée aurait visité des sites pornographiques 178 000 fois pendant le seul mois de juillet. Ses collègues ignoraient apparemment tout de ses activités. Comment faire? C'est plus qu'une fois par seconde, ça, si on compte, c'est quoi? Ses supérieurs n'ont découvert le poteau rose que quand son ordinateur a été infecté par un virus et que son historique de navigation a été examiné. En plus de sa démotion, l'employé a écopé d'une réduction salariale de 190$ par mois, donc le gars n'a pas été viré! Incroyable. Rétrogradé seulement. Mais y a-tu une limite? C'est comme là, c'est 780 000 fois, mais y a-tu une limite acceptable? Comme 200 000 fois par année, c'est correct. Mais 780, c'est vraiment trop, tu sais. Il me semble que le top serait pas dans... Il me semble dans les 3-4 chiffres max. Là. Il me semble que tu dépasses pas ça. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, la moyenne là, qu'on consulte, nous, régulièrement. Mais c'est ça. Je sais pas, est-ce que t'as vraiment compté ça? En tout cas, moi, il me semble que la limite serait sur... est-ce que t'es encore capable de voir l'écran avec... En tout cas. Ouais. Prochain sujet. C'était vulgaire, hein? C'est pas beau, à peine. La caissière d'une banque texane a soupçonné que quelque chose clochait quand elle a vu le nombre de zéros sur le chèque. Ça, c'est un homme qui tentait d'encaisser un chèque de 360 milliards de dollars US. Après tout, il est plus courant de voir un client se présenter avec un chèque sur lequel on retrouve 10 zéros. Les policiers affirment pourtant que c'est l'escroquerie qu'a tenté de perpétrer Charles Ray Fuller, un jeune homme de 21 ans originaire de la ville de Crowley, près de Fort Worth, au Texas. Fuller fait maintenant face à plusieurs accusations, notamment de contrefaçon pour avoir essayé d'encaisser la semaine dernière un chèque de 360 milliards de dollars. Fuller, qui a été remis en liberté, moyennant une caution de seulement 3 700 $ US, affirme que la mère de sa petite amie lui a donné ce chèque pour lancer une nouvelle maison de disques, une affirmation que la femme réfute. Fuller sera aussi accusé de possession illégale d'une arme et de possession de marijuana, donc l'homme n'était pas très bien dans sa tête et on se demande est-ce qu'il va payer son 3 700 $ avec un chèque? Ouais, un chèque sans fond, un faux chèque. Ça rebondit. Un chèque que sa belle-mère lui aura donné ou je sais pas. Ah, dans sa carte de fête. Ouais. Check that out! Non? Check it out. Il est temps qu'on soit répété. On termine avec un mari qui est trompé et qui avait donné rendez-vous à son rival. Il a été interpellé à Balzac, en France, en possession de 30 kilos de dynamite, 30 litres d'essence, des détonateurs, des cordons détonnants et une arme de poing de gros calibre, selon des sources policières. D'après les premiers éléments de l'enquête, le mari trompé qui a été placé en garde à vue avait donné rendez-vous à l'amant de son épouse sur une aire de repos située près de Balzac, au nord d'Angoulême. Son véhicule recelant tout un arsenal à l'origine indéterminé. C'est le rival paniqué qui a alerté les services de gendarmerie. Le suspect âgé de 59 ans a été interpellé vers 15h sans opposer de résistance alors qu'il attendait sur le parking indiqué. Selon la gendarmerie, soit le mari attendait l'amant pour le faire sauter avec lui, soit le mari voulait se suicider devant l'amant. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'affaire. Lors de l'intervention, les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité. Ils ont dévié la route départementale pendant près de 4 heures et fait appel au service de déminage de La Rochelle pour prévenir tout risque d'explosion. Beaucoup de gens fous cette semaine. Non, mais est-ce qu'on a examiné l'hypothèse que peut-être l'homme voulait seulement faire des travaux d'excavation? C'est possible, là, je veux dire. Peut-être, ben oui, peut-être qu'il travaille dans une mine. Ben peut-être, là. Peut-être. Ou peut-être qu'il chassait le Roadrunner. Peut-être qu'on se trompe, là, ouais, c'est ça. Mimi. Faut pas se fier aux apparences. Tu sais, des fois, c'est trompeur. Voici une pièce de... Oh, pardon, je pense qu'on s'en va entendre une pièce de Moussette, si je me trompe pas. Voici Carré Grandis. C'est bien elle, tout de suite, écoutons-la donc. La chanson. Ben, okay, tu sais. Check it out. Check. Le port d'un chat, Carré Grandis. Un cœur qui chante, mais faut que je réfléchisse. Quand je vais ordonner l'étoile, j'ai trappé des rivières dans le jardin, puis je peux m'en aller. 15 rivières de poids dans mon jardin, je regarde dehors, puis je vois plus rien. Je peux plus rêver, je peux plus dormir, je peux plus m'enfuir, je peux plus rien faire. Carré Grandis de Moussette, c'était précédé de The Deers avec Ticket to Immortality, de Beck avec Ghost Range et Metric avec Grow Up and Blow Away. Pour ceux qui suivent à la maison, c'est déjà la fin. Écoutons donc la chanson et par le fait même des palmarès, c'est fou. Malheureusement, comme toujours, on doit se quitter à un moment donné. On passerait bien 24 heures par semaine avec vous, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc allez voir le cifou.ca pour toutes mes heures de rediffusion. Key One s'en vient avec la dernière porte à gauche le vendredi. Donc allons voir avec lui ce qui se passe ce soir. Ce soir, nouvel extrait du nouvel album de La Descente du Coude qui sort la semaine prochaine. Petit extrait, pas une pièce au complet en fait, là, mais une idée du son du nouvel album des Delaware Chuck, qui en fait qui est le son qui est vraiment pas différent. Ça reste assez fidèle à eux-mêmes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux, il me semble. Ça fait vraiment longtemps parce qu'entre autres, Pierre Fortin était pas mal occupé avec les frères Cheminot dans la dernière année. Mais c'est ça, donc les Delaware Chuck et La Descente du Coude en nouveauté. Sinon, dans les trucs un peu plus vieux, il va y avoir entre autres du Fred Fortin. Oh, j'ai très hâte d'entendre ça. C'était La Dernière Porte à Gauche, l'émission qui nous suit les vendredis soirs. En rappel... Je t'ai eu, là. Je vais aller voir pour toi. Je vais tricher, les comme lundi, on aime faire dans le domaine. Lundi à 11h, je crois. OK, ça commence bien. Ça commence bien. OK. Ensuite, on te retrouve les mercredis à partir de 11h. Et aussi les samedis à partir de 16h. OK, donc c'est lundi à 15h. Lundi à 15h, je ne vais même pas regarder. Je t'ai fait confiance, qu'est-ce que tu veux. Nous, les palmarès, c'est fou. On est toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 20h. On rappelle les mercredis à 16h et les jeudis à partir de 15h. C'est l'horaire pour la session d'été ici dans vos oreilles au 89,1 FM. Je vous retrouve aussi à La Connexion et dans le poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. D'ailleurs, le poste d'écoute a couronné leur poste d'or cette semaine. C'était Flight of the Conchords et on se quitte avec une pièce de Flight. Ben voilà. C'est du concept, ça y est un peu. Tellement. On dirait bien. On se quitte avec la pièce Mother Huckers. Remarquez les très très bonnes utilisations des pipes pour remplacer les mots. Ça donne un effet assez spécial. Voici Flight of the Conchords et on se quitte jusqu'à la semaine prochaine de la part de Key One, Ray Kupchichi et de Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Bonne chance. Attention à ta couette qui sort en haut de ta tuque ou de ton cache-cou. Ouais, j'en prends soin. Ça donne une drôle d'image, ça. C'est beau. Charge a $2 transaction fee. Makes my payment short, my rent comes back to me. Minus a $25 penalty. So you feed me, cause of your motherfucking fee. Read the word on my ATM slip. Said we're all motherfuckers and we're ucking with this shit. Come on. Too many motherfuckers ucking with my shit. My transactional yes, shit. Too many motherfuckers ucking with my shit. My weekly statement shit. Too many motherfuckers ucking with my shit. With my balance shit. How many motherfuckers? The motherfucker runs a racist fucking grocery. The motherfucker won't sell an apple to a kiwi. The shit fight's gonna get vicious and malicious. Cut the crap. I need my red delicious. It's a kiwi that my money isn't better. Gonna dice the motherfucker like a motherfucking fruit salad. Then don't Granny Smith up an avocado. Gonna bat my own mango. Then